explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Si on vous demande de citer un animal volant que vous trouvez beau ou sympathique, un animal dont vous pourriez par exemple afficher un poster le montrant déployant ses ailes sur les murs de la chambre d'un enfant pour qu'il fasse de beaux rêves, vous viendra peut-être en tête une libellule, un papillon, une colombe ou encore un albatros. Mais il y a peu de chances que vous pensiez à une chauve-souris, à moins que vous fassiez partie des quelques passionnés inconditionnels. Pour la plupart d'entre nous, cet animal est associé à la nuit inquiétante, à l'obscurité des grottes, aux vampires. Il y a bien Batman, mais ce n'est pas le plus solaire des super-héros. Pourtant, les chauves-souris sont des êtres absolument fascinants, capables de prouesses incroyables, à faire pâlir le plus perfectionné des avions de chasse, et elles occupent une place bien plus utile que les 10 avions dans les écosystèmes. Alors cet après-midi, nous allons oublier tous nos préjugés et partir bivouaquer au milieu des chauves-souris de France et d'ailleurs. Que c'est beau. Sur France Inter. Mais vous ne m'écoutez pas, hein, vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Laurent Tillon. Bonjour. Vous êtes chargé de mission en biodiversité à l'Office National des Forêts. Vous avez publié « Et si on écoutait la nature » aux éditions Payot, un livre dans lequel vous consacrez un chapitre aux chauves-souris. Il faut dire que vous vous y intéressez depuis longtemps, vous leur avez consacré votre thèse. Et nous sommes ravis de partir avec vous à la découverte de ces mammifères volants et de leurs prodigieuses capacités. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser une question sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, le musicien et compositeur de musique électronique Tilassine nous emmènera à la source de ses inspirations à bord du Transsibérien et en Argentine. Voilà pour la partition du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Océane Théard et Mathieu Aoued. Alors là, on entend les sons émis par les chauves-souris, mais transformés par cette petite boîte. D'accord, c'est-à-dire qu'on transforme les ultrasons en sons audibles. Voilà, sinon on entend rien. On triche un peu. On triche un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Alors ce bruit, cette espèce de petit bruit un petit peu rythmé, c'est du murin de Daubenton qui chasse juste au-dessus de l'eau, juste à 10 mètres, hop, en voilà un autre qui passe. D'accord. Et juste derrière, c'est de la pipistrelle commune. Elles ne font pas le même bruit, hein ? Elles ne font pas le même bruit, chacune est sur une... On pourrait dire que c'est comme une radio. On D'accord. peut être sur une radio, on va 3 cm à côté, c'est une autre radio. Et là, ça n'est pas la même chauve-souris. D'accord. Alors, avec cet appareil, tu arrives à distinguer les différentes espèces, mais ça te permet de faire quoi aussi ? De repérer leur terrain de chasse ? Alors, ça permet de différencier les espèces, on repère les terrains de chasse, et on peut aller jusqu'à entendre les captures. C'est-à-dire ? Une chauve-souris qui va s'approcher d'un insecte, ouais, va émettre des ultrasons à un rythme assez lent, et plus elle se rapproche de sa proie, plus le rythme accélère jusqu'à la capture. Et quand elle a capturé la proie, la chauve-souris se tait parce qu'elle mâche. C'était Laurent Arthur, grand spécialiste des chauves-souris, en pleine séance d'écoute de chauves-souris, il y a quelques années, en compagnie de Fred dans C'est pas sorcier. C'est très utile, hein, Laurent Tillon, hein, Laurent peut en cacher un autre, c'est très utile, Laurent Tillon, ce petit appareil dont disposent les scientifiques qui étudient les chauves-souris. Avec ça, vous entendez, vous accédez à l'inaudible pour l'oreille humaine. Ah, c'est même un appareil absolument indispensable. C'est des animaux qui sont effectivement nocturnes, qu'on ne voit jamais, et c'est très très difficile d'arriver à les étudier. Donc l'une des possibilités, c'est de faire confiance à l'écholocation qu'elles utilisent. Donc elles émettent des sons par la bouche de manière très très puissante, très forte, de manière à ce qu'il puisse y avoir un écho qui leur serve après pour se repérer dans l'espace et pourquoi pas repérer des proies. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des petits appareils qu'on appelle des détecteurs d'ultrasons qui permettent de capter les sons des chauves-souris qui sont dans l'ultrason, qui sont bien au-delà de 20 kHz. Notre capacité humaine ne va pas au-delà de 20 kHz. Et de les retraduire de manière à pouvoir identifier les espèces et puis comprendre plein de choses sur leur comportement. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes parti avec ce type d'appareil en pleine forêt? Je crois que c'était en forêt de Rambouillet. Et vous avez comme ça ouvert les portes d'un monde totalement inconnu. C'était il y a plus de 20 ans, en effet, et j'étais au bord d'une mare en forêt de Rambouillet, et c'était à une période où on démarrait l'étude des chauves-souris en forêt. Donc il fallait imaginer à la fois les techniques et les méthodes, et puis en même temps, on ne savait pas à quoi on allait être exposé et ce qu'on allait découvrir. Et je me souviendrai toujours de cette soirée, parce que les impressions, je les découvrais, les impressions nocturnes, avec cet appareil et ces écouteurs sur les oreilles qui nous empêchaient d'avoir accès finalement à notre environnement sonore classique. Et puis quand on est en forêt, on a l'habitude d'y aller la journée avec des références sonores de journée, avec les oiseaux qui chantent autour de nous, pourquoi pas des insectes, le bruissement du vent dans les feuilles. Là, c'était quand même très différent parce que du coup, on avait cette traduction sonore très particulière des sons de chauve-souris comme ceux qu'on vient d'entendre. Alors, vous êtes capable de les reconnaître au son. On peut tenter un petit test à l'aveugle. Voici quelques sons d'écholocation de chauve-souris qui ont été retranscrits, on a compris, transposés pour être audibles à notre oreille, puisque chaque chauve-souris émet dans une fréquence différente. Normalement, on doit pouvoir les reconnaître. Allez, on essaye. Vous l'avez, celle-là ? Oui, alors, pour expliquer aux auditeurs, en fait, il y a plusieurs techniques qui permettent de le rendre audible, de rendre audibles les sons de chauve-souris. Il y a une technique qui consiste à enregistrer les sons et puis le ralentir 10 fois. Et là, pour le coup, ça devient dans la gamme audible. Une autre technique consiste à demander au détecteur d'émettre un signal à une certaine porteuse qui se soustrait au son émis par la chauve-souris elle-même. C'est le cas ici, c'est ce qu'on appelle l'hétérodyne. Et là, c'est de l'écoute comme si on était en direct. Et là, en fait, on a affaire à une espèce de chauve-souris qui émet dans les très basses fréquences, qui vole en espace très dégagé et qui, du coup, avec cet appareil, donne ce son comme bulle de savon qui éclate. Ouais. C'est les noctules. Ouais, c'est ça. C'est la noctule commune ou les noctules en général. Là, je m'avance un peu en disant noctule commune, mais c'est des noctules qui, pour le coup, chassent notamment au-dessus des étangs. On les a beaucoup au-dessus des étangs ou au-dessus des espaces ouverts. En France métropolitaine. En France métropolitaine. On la trouve. Allez, on tente, après ce succès, on tente un deuxième. Alors ça, très probablement, on est là aussi en mode hétérodyne, donc presque en direct, et c'est probablement un murin. Alors c'est une pipistrelle. C'est une pipistrelle, alors en activité de chasse, ouais. Qui est probablement le long d'une lisière, et qui du coup est face à énormément d'insectes le long de la végétation, et puis là, du coup, elle prospecte en permanence, ouais. Parce qu'elle sait qu'elle va avoir accès à de nombreuses proies. Ouais. Allez, une dernière pour la route. Très probablement, c'est un grand murin ou un murin... Molosse de Cestonie. Alors celui-là, il est en Europe, mais je crois que les molosses, on en trouve aussi en Guyane, je crois. Hein. Alors, c'est pas les mêmes espèces qu'on trouve en Guyane, mais il y a effectivement les molosses, c'est un grand groupe, c'est un vaste groupe. Hein. Le groupe des molossidés, effectivement, est présent quasiment sur tous les continents du monde. Et on a donc essentiellement une espèce en Europe et sur le bassin méditerranéen, donc le molosse de Cestonie, qui lui vole vraiment en plein ciel et niche en falaise, et puis qu'on peut retrouver avec certaines autres espèces de la même famille. Donc notamment en Amérique du Sud, en grande quantité, mais aussi en Amérique du Nord. Et on connaît chez certaines espèces des colonies de plusieurs millions d'individus sur un même gîte qui sortent. Et là, pour le coup, ça donne une sorte de couloir de continu de chauves-souris qui sortent parfois pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous êtes allé les observer en Guyane, hein, je crois, les chauves-souris. Oui. Et vous gardez un souvenir assez ému de ces observations. Alors là, pour le coup, on n'est plus dans la forêt de Rambouillet, on est en pleine jungle amazonienne. Quand on est là-bas, en Guyane, c'est vrai que du coup, on est complètement immergé au sein de la forêt tropicale. Et notamment, la première fois, quand j'y suis allé, j'y étais avec d'autres spécialistes des chauves-souris. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était installer son bivouac. Avec une particularité, c'est qu'on était sur un site qui était visité par des scientifiques pour la toute première fois. Donc, quelques forestiers étaient venus précédemment pour simplement ouvrir un espace permettant à un hélicoptère d'atterrir pour nous déposer. Et quand on est arrivé, on a fait face à toute une colonie de fourmis légionnaires qui passaient et qui étaient en train de nettoyer le secteur. Donc il a fallu attendre qu'elles partent. Et après, on s'est installé. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est vraiment dans une nature dans laquelle on se sent tout petit, parce que là c'est une nature qui n'est pas maîtrisée. La nature, elle est complètement folle, on va dire. En tout cas, toutes les espèces peuvent s'exprimer et nous on est là que comme simples visiteurs qui avions pour mission d'observer et d'inventorier les espèces qui étaient présentes. Observer, les écouter toujours, hein, avec ces appareils qui permettent de les capter. Et ce qui est fascinant avec ces appareils, c'est que à l'oreille, vous comprenez ce qu'elles sont en train de faire, et notamment vous pouvez dire si elles sont en train de chasser. Et dans votre ouvrage, Si on écoutait la nature, vous décrivez ces scènes de chasse, c'est absolument palpitant. Et on se rend compte que ces animaux, mais vous le dites, hein, c'est à vous que j'ai emprunté cette formule, elles sont plus perfectionnées que les avions de chasse les plus perfectionnés qui existent à ce jour. Ouais, exactement. Elles ont un... Alors, faut imaginer, hein, notamment, on citait tout à l'heure la pipistrelle commune, elle fait 5 grammes. C'est quand même un tout petit animal, avec un cerveau qui est quand même tout petit. Malgré tout, ça reste un ordinateur hyper performant, un ordinateur de bord qui permet de calculer en X, Y, Z la position précise de l'animal, donc de sa propre position, ainsi que celle des obstacles et des proies qui se trouvent en face d'elle. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, elles ont développé différentes stratégies en fonction des espèces pour accéder aux proies, tout en observant l'environnement dans lequel elles se trouvent. Mais tout ça, ça se passe uniquement avec des sons. Ça veut dire que quand elles émettent un écho, grâce à leur sonar, quand elles émettent un signal et qu'elles reçoivent l'écho, elles arrivent à analyser l'écho de manière à identifier les différents obstacles qui se trouvent en face d'elles. Et si l'un de ces obstacles bouge, s'il est mouvant, ça veut dire que c'est une proie potentielle. Et à partir de là, la chauve-souris va se focaliser sur cette proie pour essayer d'aller capturer l'insecte avant que l'insecte ait pu prendre la fuite. Ouais, la précision que ça demande. Alors avec chacune a sa spécificité, hein, notamment vous parlez des barbastelles, si je prononce bien. Et là, alors c'est vraiment de la course à l'armement, c'est-à-dire que certains papillons nocturnes qu'elles chassent ont eux-mêmes développé des moyens de capter ces ultrasons des chauves-souris. Alors elles truquent en fait, elles envoient des faux messages ultrasons pour tromper les papillons. Exactement. En fait, la nature a doté ces papillons, donc la plupart des papillons nocturnes hein, qu'on voit le soir autour des lampadaires, sont dotés d'un tympan, en fait d'une petite membrane qui vibre à partir du moment où il est mis en contact avec un cri ultrasonore, entre 20 et 50 kHz, c'est-à-dire la gamme classique utilisée par la plupart des chauves-souris. Et en réaction, ces papillons déclenchent des systèmes, soit de contre-mesure, exactement comme dans l'armement chez nous, soit des systèmes qui permettent de les rendre presque invisibles pour la chauve-souris. Voire, ils se laissent tomber pour simuler une feuille morte. Du coup, ce qui déclenche ça, c'est pas uniquement le fait d'entendre le son de la chauve-souris, c'est aussi d'entendre une accélération dans le rythme des sons de chauve-souris qui indique que l'animal est en train de se rapprocher d'un obstacle et potentiellement va se rapprocher de sa proie qu'est le papillon. Du coup, la barbastelle a imaginé un autre système, c'est qu'elle simule la présence dans son environnement de deux chauves-souris différentes en transit, en simulant d'abord des fréquences basses très distantes les unes des autres et des fréquences plus hautes très distantes des unes des autres, qui font croire au papillon qu'il a finalement deux chauves-souris à proximité, mais qui s'intéressent pas à lui. Comme si elle regardait ailleurs. Exactement. Et elle ne déclenche la capture qu'au tout dernier moment, quand le papillon ne peut plus réagir. Alors il y a d'autres chauves-souris qui arrivent aussi à chasser en groupe. Hein. Là aussi, vous décrivez ce genre de scène. Ce qui est assez étonnant, c'est compte tenu de la taille de ces animaux, pour certaines, 5 grammes, on est habitué chez les mammifères à des comportements d'une telle intelligence, mais habituellement, ce sont des mammifères de taille plus importante. Là, il y a quand même un mystère chauve-souris. Elles sont particulièrement intelligentes par rapport à la taille de leur cerveau. Oui, complètement. Et je vous citerai surtout un exemple, notamment, que j'ai pu observer dans le cadre de ma thèse. On a été confronté à un moment à plusieurs individus de murins de Natterère, donc une petite chauve-souris qui fait 8-9 grammes, qui est forestière, qu'on trouve partout dans toutes les forêts françaises, et qui chassait ensemble. Alors, on a voulu vérifier le comportement, et effectivement, on a observé deux individus qui poussaient les proies par leur système d'éco-sonar vers deux autres individus qui les attendaient, et toutes les quatre les ont enfermés. Ça fait penser à ce comportement des grands prédateurs qui, pour le coup, sont considérés comme très intelligents, avec un gros cerveau, à savoir les orques, les loups, par exemple, les lions dans certains cas. Et c'était très perturbant, justement, pour ce petit animal avec un cerveau aussi réduit. Alors, il existe quand même des chauves-souris de grande taille. La plus grande d'entre elles, on la trouve aux Philippines. Elle peut mesurer jusqu'à... 1m70. 1m70 d'envergure. Elle fait, elle a la taille d'un lièvre quand elle est posée, donc ça fait plusieurs kilos. Ouais. Pour le coup, c'est un animal assez impressionnant, mais qui, lui, ne mange que des fruits. Que des fruits. La roussette géante, on la surnomme aussi le renard volant. C'est à la taille d'un... Un renard avec exactement, exactement. Ça doit être assez impressionnant. Alors vous dites elle ne mange que des fruits. Est-ce qu'il y a des chauves-souris dangereuses? On parle parfois de chauves-souris qui sucent le sang, qui un peu vampires. Ça existe vraiment ou pas? Alors oui, pour rassurer nos auditeurs, sur toute l'Europe, il n'y a que des chauves-souris insectivores. Il y en a une qui, la grande noctule, qui a d'autres capacités, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais toutes les chauves-souris européennes, sont insectivores. Parmi toutes les chauves-souris du monde, effectivement, il y en a certaines qui sont frugivores, d'autres qui mangent le pollen des fleurs, qui du coup contribuent à la pollinisation. Et puis il y en a une, le vrai vampire, le Desmodus rotundus, qui se trouve plutôt en Amérique du Sud, essentiellement autour du bassin amazonien, qui lui a la capacité de laper le sang des vertébrés. Une seule chauve-souris sur les 1200 chauves-souris recensées dans le monde est cantonnée vraiment au bassin amazonien. On s'envole à la découverte des chauves-souris avec Laurent Tillon cet après-midi dans le temps d'un bivouac. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. C'était Rockfish's Fat White Family sur France Inter, le temps d'un bivouac. Là, nous sommes à 18 mètres au-dessus de la forêt. De cette plateforme, on surplombe l'endroit où les chauves-souris se sont installées. La zone s'étend sur 400 mètres de ce côté, et de l'autre, c'est un peu en forme de boomerang, sur 600 mètres. C'est la forêt la plus dense du parc où les chauves-souris se rassemblent dans la journée. Vous voyez que cette zone n'est pas très grande. Pourtant, toute la population des roussettes qui vivent en Afrique se regroupe ici. Si vous venez ici vers 5 heures du soir, il y a 10 millions de chauves-souris collées les unes aux autres. Et donc, ça fait énormément de bruit. De loin, on a l'impression d'être à côté d'une chute d'eau. Et puis tout à coup, vers 6 heures, vous en voyez une s'envoler et l'instant d'après, elles sont déjà des milliers en l'air. Elles partent vraiment toutes en même temps. Nous étions dans une petite réserve de Zambie, 10 millions de roussettes de 80 cm d'envergure. Ce sont les plus grandes chauves-souris d'Afrique et les colonies sont réparties sur tout le continent africain. Mais chaque année, au début de la saison des pluies, elles quittent leur territoire pour se retrouver ici, dans cette petite réserve. Ça doit être absolument spectaculaire, ces 10 millions de chauves-souris qui se regroupent en un point de l'Afrique, Laurentino. Et puis c'est un bruit qui est assez exceptionnel et extraordinaire, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous imaginez effectivement tous ces animaux qui se rassemblent. Alors elles aiment bien généralement se rassembler sur des arbres ou sur des grappes d'arbres, ce qui est le cas ici, hein, si je ne me trompe pas. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de très très impressionnant. Il y a ce besoin de se rassembler chez certaines espèces, et en particulier notamment en période d'accouplement ou en période de, notamment saison des pluies dans le cas présent. Ouais. Donc comme les oiseaux, certaines chauves-souris migrent, elles sont nombreuses à entamer comme ça des migrations de plusieurs milliers de kilomètres, hein, pour certaines. Alors pour certaines, oui, en tout cas de par le monde, on sait qu'il y a notamment chez les espèces de la moitié nord, notamment de l'Europe et puis d'Amérique du Nord, tout un tas d'espèces qui migrent vers le sud. Alors pourquoi ? Simplement parce que comme beaucoup de ces espèces sont insectivores, notamment en hiver, elles sont confrontées à une période de disette. Il n'y a plus de proie. Donc une bonne partie des espèces entrent en hibernation, notamment dans les grottes. C'est l'image qu'on a des chauves-souris qui viennent dans les grottes pour se reposer pendant l'hiver. Mais il y a aussi quelques espèces, notamment les noctules, notamment la pipistrelle de Natusius, en Europe, qui sont des espèces qui migrent et qui peuvent faire 2 à 3 000 kilomètres pour partir notamment de Hollande, du nord de la France, vers l'Espagne. Alors ça pose la question de comment elles s'orientent dans l'environnement. C'est une question sur laquelle les scientifiques sont restés pendant longtemps sans réponse. C'était une véritable énigme. On a eu du mal à comprendre où était la boussole dans les chauves-souris. Et on a toujours des difficultés à savoir précisément comment ça se passe. Ouais. Ce que l'on sait, c'est qu'elles profitent de certaines opportunités. Par exemple, il m'a été donné d'observer un jour une noctule commune migrer avec les martinets en fin de journée vers le sud de la vallée du Rhône. Donc elle empruntait la vallée du Rhône pour regagner probablement l'Espagne. Mais du coup, ça pose la vraie question de comment elle s'oriente pour aller justement vers le sud. Alors il y a tout un tas d'hypothèses, il y a notamment une hypothèse liée à la magnétite comme ça existe d'ailleurs chez les oiseaux, il y a aussi une autre hypothèse liée... Donc la magnétite ce serait des petits grains aimantés qu'elle possède dans certaines de leurs cellules. Exactement, et qui leur permettrait de repérer le nord du sud et donc de savoir quelle direction elles doivent prendre pour leur trajectoire migratoire. En utilisant le champ magnétique. Exactement. Une autre hypothèse porte sur les étoiles en particulier. Est-ce que c'est des animaux nocturnes qui du coup savent utiliser l'espace aérien quand il est étoilé? Et l'une des hypothèses portées par tout un tas de scientifiques est qu'elle s'appuierait sur justement la carte du ciel pour se repérer et donc aller vers le sud. Et puis après, une fois qu'elles ont l'habitude, c'est des animaux aussi qui ont une bonne mémoire et qui sont capables, une fois qu'elles ont repéré une trajectoire, qu'elles ont l'habitude de la prendre, d'utiliser toujours un peu les mêmes passages pour aller du nord vers le sud et revenir. Alors, vous avez aussi aimé observer ces chauves-souris parce qu'elles ont aussi des comportements sociaux très intéressants, notamment, chez toutes, mais chez le murin de Daubenton, des comportements de matriarcat, c'est-à-dire que c'est un petit peu les femelles qui se regroupent et qui ont le pouvoir. Alors, oui, exactement. Et c'est le cas d'ailleurs chez beaucoup d'espèces de chauves-souris. On l'a observé notamment chez le murin de Daubenton parce que il y a eu quelques études en particulier sur cette espèce, parce que c'est une espèce un peu modèle. En fait, c'est une petite chauve-souris qui fait entre 7 et 8 grammes et qui a l'habitude de chasser notamment sur les zones d'étang. Et en fait, au printemps, les individus, en particulier les femelles, se rassemblent autour justement des étangs, vont giter ensemble pour former une colonie. Et elles acceptent que les mâles puissent s'associer à ces colonies dans les périodes qui sont les plus propices au développement des insectes. Mais si, grand malheur pour eux, à un moment, la météo est telle que les insectes ne se développent pas en suffisamment grand nombre, les mâles sont éjectés de la colonie et les femelles se conservent les meilleurs territoires de chasse. Et pendant ce temps, les mâles se retrouvent à aller notamment en haut des zones de montagne, là où les insectes sont moins nombreux finalement la nuit, et doivent composer des petites colonies de mâles pour essayer de s'associer et trouver quelques proies dans le paysage qu'elles vont exploiter. Ouais, pas facile la vie de mâles chauves-souris. Alors les hommes n'ont pas attendu de tout savoir sur les chauves-souris pour commencer à essayer de les utiliser à des fins belliqueuses, à essayer d'en faire des sortes de kamikazes. Ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que racontera un certain docteur Adams, un dentiste américain, dans ses mémoires quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Je me suis rendu dans les cavernes de Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Est-ce que ces millions de chauves-souris ne pourraient pas être placés dans des bombes incendiaires et lancés depuis des avions? Qu'est-ce qui pourrait être plus dévastateur qu'une telle attaque? Nous avons visité des centaines de caves et des centaines de mines. L'urgence était telle que nous conduisions jour et nuit. Le but était que les chauves-souris, qui recherchent un abri, se réfugient dans les structures et lâchent leur chargement à l'intérieur des bâtiments ennemis. Aujourd'hui, le président Roosevelt a accepté. Le projet des Bad Bombs est en marche. Ça n'est pas une blague, hein. Il y a vraiment eu ce projet qui a été poussé assez loin des Bad Bombs, de faire des chauves-souris kamikazes pour aller infiltrer les bases ennemies. Exactement. Leur idée, elle était assez simple, c'était de trouver des chauves-souris suffisamment importantes, suffisamment grosses, pour supporter une petite charge. Et leur idée, c'était de les larguer sur le Japon. Donc, ils avaient prévu des obus dans lesquels ils avaient enfermé les chauves-souris dans des cages. Et l'idée, c'était que la bombe s'ouvre au moment où les animaux allaient survoler certaines villes japonaises en particulier, de manière à ce que les animaux se dispersent et entraînent plein de micros incendies un petit peu partout sur ces villes-là. Ouais. Et bien mal leur en a pris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont préparé leur dispositif et quelqu'un, un soldat, a mal fermé l'une des cages. Et certains animaux se sont échappés avec les microcharges sur elles. Ils n'ont pas réussi à les retrouver toutes et certaines se sont notamment positionnées et cachées derrière des citernes du casernement. Des citernes d'essence. Comment ? Des citernes d'essence. Des citernes d'essence. Et bien sûr, elles ont explosé. Ça a dévasté la moitié de la caserne. Et du coup, ça a remis pas mal en question leur volonté d'utiliser ce type de dispositif. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est notamment le côté grégaire de ces animaux. En fait, elles se sont rassemblées à certains endroits plutôt frais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que elles étaient inaccessibles. Et deux, quand elles ont explosé, elles étaient tellement nombreuses que les dispositifs en place n'ont pas pu résister. Pauvre bête. Finalement, l'idée ne sera jamais utilisée sur le terrain. Il faut dire que la bombe atomique a renvoyé définitivement les chauves-souris dans leur grotte. Allez, dans un instant, suite de notre bivouac à la découverte des chauves-souris, en compagnie du naturaliste Laurent Tillon, auquel vous pouvez adresser vos questions sur franceinter.fr ou notre page Facebook. Le temps d'un bivouac sur France Inter, Daniel Fievé. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui. Pendant que le parapluie menait au père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. La chauve-souris, Thomas Fersen sur France Inter. Bien regarder toutes les anfractuosités. En fait, un espace d'un centimètre, ça peut être suffisant pour qu'elle vienne se loger l'hiver. Ah, il y a une bête là. Bien joué, Maxime. T'as vraiment un œil de lynx. Donc, ouais. On est plutôt sur une petite espèce là. Petite espèce, museau rose, ventre gris sale. C'est un murin d'Aubenton. Ici, sur cette cavité-là, chaque hiver, on a à peu près 300 individus qui viennent hiberner. Donc, pour la période novembre à mars, grosso modo. On a une petite dizaine d'espèces connues jusqu'à présent. Là, on est sur un murin d'Aubenton, donc c'est une des espèces principales du site. Nous étions dans une grotte en Bourgogne, un murin de Daubenton en train d'hiberner, observé dans l'infractuosité de la roche. Beaucoup de chauves-souris hibernent, Laurent Tillon. La plupart des chauves-souris européennes hibernent parce que justement c'est le moyen qu'elles ont trouvé de lutter contre l'absence d'insectes. Mais on s'est rendu compte, notamment suite à une étude qui a été menée par des Nord-Américains, qu'elles hibernaient pas toutes. Elles hibernaient pas toutes totalement. Certaines espèces se réveillent en plein hiver pour aller déranger les femelles. Ça leur arrive, simplement pour avoir une petite séance de rattrapage. Normalement, les accouplements ont lieu à l'automne. Et on s'est rendu compte, via cette étude, qu'il pouvait y avoir des petites séances de rattrapage d'accouplement en hiver. Donc, dans ce cas-là, ce sont les mâles qui se réveillent et qui s'accouplent avec des femelles qui, elles, ne se réveillent pas. Qui, elles, ne sont pas forcément réveillées. Donc, je vous laisse juger de la pratique qui est opérée par certaines espèces. Mais du coup, ça a remis en question les croyances qu'on avait sur les connaissances de l'hibernation pour les chauves-souris. S'il y avait bien un sujet, il y a un peu plus de 20 ans, qu'on pensait maîtriser dans le milieu des spécialistes des chauves-souris, c'était l'hibernation. Mmh. Et du coup, on a étudié d'autres espèces, notamment les rhinolophes, et on s'est rendu compte que les rhinolophes ne pouvaient pas accumuler des graisses comme les autres espèces. Donc les rhinolophes, il y a 3 espèces en France, et du coup, ces espèces sont obligées de se réveiller assez régulièrement pour profiter des quelques proies disponibles dans le milieu. Mais je croyais que la consigne était quand même de dire aux auditeurs, par exemple, que lorsque l'on trouve des chauves-souris en hibernation, de ne pas les réveiller, parce que ça risquerait justement de faire remonter leur métabolisme, et comme elles n'ont rien à manger, finalement, elles risquent ensuite de mourir de fatigue. Ça reste une consigne à donner ou c'est dépassé ? Ce qui est très important, effectivement, c'est de bien considérer qu'une chauve-souris, quand elle est en hibernation, tout son corps est au ralenti. Il y a la production uniquement d'une respiration toutes les 30 minutes. C'est quelque chose. Enfin, l'animal se met à un rythme tellement lent que le moindre réveil est très coûteux en énergie. Quand on provoque un réveil chez une chauve-souris en hibernation, on lui fait consommer 30% de toute l'énergie qu'elle avait prévue pour passer tout l'hiver. Voilà. Et ce qui implique que si, en plus, ce réveil a lieu à un moment où les conditions extérieures sont pas favorables, inévitablement, l'animal, il est mis en danger. Parce qu'il a pas la possibilité de refaire les réserves qui lui permettaient de passer tout l'hiver. Beaucoup de messages d'auditeurs sur ces chauves-souris qui apparemment passionnent certains d'entre eux. Cécile nous dit « Nous avons une maison à ossature en bois en Aveyron et nous cohabitons avec une grande colonie de pipistrelles. J'aimerais qu'elles trouvent un autre lieu de vie que notre façade sud, car l'odeur de leurs excréments nous gêne. Si vous avez des conseils, car je sais qu'elles sont très utiles. » Voilà, on veut les protéger, mais pas forcément les avoir juste en cohabitation. Alors, il m'est arrivé d'être confronté à quelques cas de gens, effectivement, qui avaient des chauves-souris chez eux et qui faisaient des grosses salissures à tel point que les odeurs devenaient difficiles à accepter au sein de l'habitation. Dans ce genre de situation, effectivement, c'est pas facile de composer avec. Il faut essayer de trouver des solutions pour permettre aux chauves-souris de s'installer à un autre endroit dans la maison. Mais en même temps, j'ai aussi été confronté à des situations de gens qui habitaient notamment dans un espace un peu boisé, au bord d'une rivière, et qui, au départ, voulaient se débarrasser de ces chauves-souris qui faisaient des salissures. Et puis, assez vite, au cours de la discussion, ils se sont rendus compte que si on les en débarrassait, ils allaient être confrontés à un autre problème, celui du moustique, ouais, et de l'impossibilité de profiter de leur terrasse le soir. Donc c'est un peu le compromis, c'est quelle est notre capacité à accepter la nature chez soi, et les chauves-souris sont un bon exemple en la matière. Pierre vous demande, y a-t-il des chauves-souris partout en France ou seulement dans certaines régions? Ici, en Beauce, nous dit Pierre, nous n'en rencontrons pas. Alors c'est pas complètement vrai. En fait, il y a notamment des études assez récentes pour tout un tas de cadres, notamment d'aménagement, qui ont amené des naturalistes dans le cadre d'études qui étaient obligatoires pour faire ces aménagements à réaliser des inventaires et des écoutes nocturnes. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on demandait à des spécialistes s'il y avait des chauves-souris, notamment dans des grandes zones agricoles comme la Beauce ou la Brie ou la Champagne, on avait tendance à se dire, oulala, attention, c'est des endroits qui sont absolument désertiques pour ces animaux. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir plusieurs espèces, même en Beauce, qui, du coup, utilisent cet espace. Et notamment, certaines espèces comme les noctules traversent la Beauce pour passer de la zone nord de la France vers le sud. Donc finalement, il y a des chauves-souris absolument partout. Encore faut-il savoir les voir, hein, parce que c'est la nuit, forcément, c'est moins facile. Déjà, on dort et puis ensuite, on les voit moins facilement. C'est la nuit, et puis pour le cas des noctules dont je parlais, c'est en hauteur, c'est à plus de 100 mètres de hauteur. Laurent Tillon, votre ouvrage chez Payot s'intitule « Et si on écoutait la nature ?» Alors c'est ce que nous allons faire tout de suite avec Hugo Struna, qui nous y invite chaque semaine à écouter la nature. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et comme toutes les semaines, vous allez nous plonger dans les sons de nature qu'étudient les scientifiques du Muséum. Aujourd'hui, direction la Guyane. Alors ça sent la forêt amazonienne. Évidemment, ce qu'on entend là, c'est la signature sonore de la forêt amazonienne. Il s'agit plus précisément du payo-payo, un petit oiseau emblématique de cette région. Selon l'ornithologue Olivier Classin, dès qu'on pénètre dans la forêt en pirogue, il donne l'alerte générale, d'où ce surnom, la sentinelle de la forêt. Alors si cet ornithologue se rend dans la forêt, c'est pour se livrer à une activité un peu spéciale, le comptage d'oiseaux, mais alors à l'oreille. Oui, Olivier coordonne un programme du Muséum d'Histoire Naturel, le suivi temporel des oiseaux communs, le stock. L'idée, c'est de demander à des bénévoles de se rendre tous les ans sur le terrain, à la même période et au même endroit, pour compter les oiseaux. Grâce à ces données, on peut voir comment évoluent, année après année, les populations dans toute la Guyane. Alors, comment ça, compter les oiseaux, exactement? Le protocole est simple. On choisit un petit parcours. En Guyane, c'est souvent en forêt. Et puis, sur 10 points différents, on va identifier et compter, à chaque fois pendant 5 minutes, tous les oiseaux qui nous entourent. Bon, vous imaginez bien qu'avec une végétation aussi dense, des arbres hauts de plus de 50 mètres, difficile de voir quoi que ce soit. Du coup, on tend l'oreille. On voit un là, on voit un par exemple. Ouais, voilà, ça ressemble, c'est vous qui sifflotez Hugo, c'est vous qui l'avez fait vous-même. Non, ce n'est pas un collègue non plus qui se promène en sifflotant ou qui urine nonchalamment derrière un arbre. Ce beau chant provient du troglodyte musicien qui porte bien son nom d'ailleurs. Il est plus coloré et un peu plus gros que le troglodyte mignon, vous savez, qu'on trouve en métropole. Donc là, on note un troglodyte musicien sur son carnet. Fastoche, non ? Ouais, enfin, j'imagine qu'il faut un peu d'entraînement pour reconnaître les espèces à l'oreille quand même. Certes, ça nécessite un peu d'entraînement, d'autant que la forêt abrite près de 500 espèces et autant de chants différents. Olivier propose donc des petites formations à la reconnaissance. Au bout de 2-3 ans, on arrive à démasquer une cinquantaine de chercheurs, de chanteurs, et pour la plupart des virtuoses, enfin, c'est pas toujours des Mozart. Bon alors là, on dirait un peu un croisement entre un chacal et une tronçonneuse. Oui, d'après Olivier, en pleine forêt, c'est même assez effrayant. On a effectivement l'impression qu'un félin rôde autour de nous, alors qu'on a affaire à une coracine chauve, un oiseau physique. Ah, c'est physique. un oiseau qui tout fait ça. Tout à fait, c'est un oiseau, la coracine chauve, au physique assez étrange, disons-le, une tête dénudée, une peau bleu-gris et des plumes brunes. Entre le vautour et le corbeau, allez voir, j'ai publié une photo sur la page du Temps d'un Bivouac. Mais c'est une des voix les plus extraordinaires de toute l'Amazonie. Oui, et là, on en entend une espèce à la fois, mais j'imagine que parfois ça doit être la véritable cacophonie quand toutes les espèces donnent de la voix. Eh bien en fait pas vraiment, parce que chaque espèce occupe un espace sonore particulier, une fréquence ou alors un moment de la journée, mais parfois en effet... On assiste là à un phénomène fascinant, une ronde de petits passereaux. Alors une ronde, c'est une bande d'oiseaux d'espèces différentes qui passent toute leur vie ensemble, 24 heures sur 24. L'objectif, c'est de s'associer pour défendre un territoire, mais aussi pour trouver à manger. Et alors, ça braille, hein, imaginez, pour compter tout ça. Ah, attention, là, on arrête de rigoler. Voici le chef de la ronde, le Batara cendré, qui sonne la fin de la récréation. Allez, tout le monde doit se regrouper autour de lui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors souvent, ce cri de rassemblement annonce un danger, l'approche d'une ronde rivale, par exemple. C'est bien organisé, hein. Pendant que les autres espèces cherchent de la nourriture, le Batara, lui, surveille les alentours et assure la protection du groupe. Mais il lui arrive aussi de ne pas être très honnête et d'abuser de son pouvoir. Vous savez ce qu'il fait, le Batara ? Il clame de fausses alertes pour effrayer les membres de sa ronde et chiper leur repas. On parle de kleptoparasitisme, c'est vraiment pas glorieux. Ouais, le Batara cendré, donc, c'est le chef de la forêt. À quoi servent donc les données envoyées par les bénévoles dans le cadre du stock ? L'abondance des oiseaux est un bon indicateur de l'état de santé d'un milieu. On voit que la déforestation, l'orpaillage clandestin, l'agriculture intensive a un effet négatif sur l'abondance des oiseaux en Guyane, donc sur la biodiversité. Le stock permet aussi de mesurer l'efficacité des actions de conservation. Voilà, si vous voulez aussi aider les chercheurs en comptant les oiseaux, allez vous renseigner sur le site viginature.fr, rubrique stock, un observatoire qui existe aussi en métropole, avec d'autres oiseaux, évidemment. Et on va mettre un lien, bien sûr, sur la page du Temps d'un Bivouac, vers le site Viginature. Merci, Hugo Struna. Et à la semaine prochaine. Laurent Tillon, l'étude des oiseaux et des chauves-souris peut se faire avec les mêmes méthodes que pour les oiseaux. Vous avez un peu travaillé sur les deux, vous-même. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur les deux. On n'utilise pas tout à fait les mêmes méthodes. Il y a un outil qui est commun. C'est l'oreille, puisqu'effectivement, comme le précisait Hugo, dans le cadre des suivis qu'on peut faire sur les oiseaux, l'oreille est indispensable, pour les chauves-souris aussi, mais avec l'intermédiaire d'un détecteur. La différence qu'il y a entre les deux techniques, malgré tout, c'est que quand un oiseau émet un cri ou un chant, c'est avec une fonction territoriale et de communication avec les congénères. Pour les chauves-souris, la plupart des cris qu'elles émettent pour se repérer dans l'espace ont bien une fonction de localisation. C'est donc très différent de ce qu'on peut avoir pour les oiseaux. Elles ne bavardent pas entre elles, elles sont en train de sonder leur environnement. La plupart du temps, elles sondent l'environnement, elles regardent quels sont les endroits les plus propices pour détecter des proies et du coup s'alimenter. Elles communiquent aussi, mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus rare. La chronique d'Hugo, ça a dû vous replonger quand même dans vos excursions en Guyane. Hein. Et on en sent, particulier c'est... le paillot-paillot. Parce que le paillot-paillot, pour tout expliquer, je l'ai entendu la première fois avec Olivier Classens. Ouais. Justement, on était en mission sur le massif du Lucifer des coups des coups, en inventaire, et du coup, lui s'occupait des oiseaux pendant que nous, on s'occupait des chauves-souris. Ouais. Alors, c'est des bons souvenirs. C'est des très très bons souvenirs. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Si vous, vous allez répondre dans un instant, Laurent Tillon, aux questions des auditeurs du Tintin Bivouac qui sont arrivés pour vous sur franceinter.fr ou la page Facebook. Je ne sais pas pourquoi, non vraiment je ne sais rien, mais j'ai le sentiment que tu ne vas pas bien. C'était Dreams de l'épée sur France Inter. Voilà. Et là, par exemple, je pense que c'est de la brachyphila, comme des grands coups de marteau. Elle ressemble à quoi, brachyphila? Elle a un nez de cochon, en fait. Oui, elle a un groin, exactement. On a beaucoup de chauves-souris frugivores en Guadeloupe qui ont une feuille nasale. Hein. Et en fait, brachyphila a cette feuille qui est très réduite et elle a une bouille très sympa. Elle a une petite bouille de cochon, elle est très très mignonne. C'est une grosse chauve-souris hein, qui fait 45 à 50 grammes. Et là, notre petit lion qu'elle a entendu tout à l'heure, notre petit lion pêcheur, c'est une chauve-souris, c'est la plus grande chauve-souris de la Guadeloupe, hein, qui fait quasiment 70 cm d'envergure, et qui pêche des poissons bah, dans ces milieux de mangroves, forêts marécageuses, mais aussi au-dessus des mares. C'est le remous du poisson en surface qu'elle détecte grâce à son sonar. Notre petit lion, vous imaginez un dog allemand, l'air légèrement abattu, les oreilles coupées en pointe. Et l'air pas très très intelligent avec de très grandes babines. Bah dis donc, c'est une très belle chauve-souris, c'est une chauve-souris magnifique, qui a une couleur rousse extra, qui est une très belle bête. Et une odeur épouvantable. Non, une odeur de poisson rance un peu. Béatrice Ibéné, vétérinaire et spécialiste des chauves-souris de Guadeloupe. Nous étions pas loin de Pointe-à-Pitre. Il y a de belles espèces de chauves-souris en Guadeloupe, Laurent Tillon? Il y a de très belles espèces qui font partie d'autres groupes, d'autres familles de chauves-souris par rapport à celles qu'on a en Europe. Alors, on retrouve les mêmes, notamment la grande famille des Vespertilionidés, dans lequel on trouve les murins, les noctules, les sérotines et les pipistrelles. Donc la Guadeloupe, comme la Martinique ou la Guyane d'ailleurs, bénéficie de la présence de cette famille-là. Mais il y a aussi une grande famille, la famille des Philostomidés, qui présente des particularités morphologiques assez exceptionnelles et extraordinaires. Et notamment le noctilion pêcheur en fait partie. Et en fait, chaque espèce est vraiment adaptée à une technique de chasse et à son environnement. Ouais. Alors les espèces sont nombreuses. On voit toute la diversité en taille, en technique de chasse. Est-ce qu'elles sont en forme, ces espèces? Est-ce que beaucoup sont menacées? Quelle menace pèse sur elles aujourd'hui? Alors, j'aurais deux messages. Le premier message, c'est que on s'est effectivement rendu compte après les années 70-80, pour tout un tas de raisons liées à l'aménagement du territoire, l'urbanisation galopante, la multiplication des infrastructures linéaires de transport qui impactent les corridors et les couloirs de vol des espèces, l'utilisation de pesticides et d'insecticides à partir du moment où on réduit la quantité d'insectes dans nos paysages, inévitablement, on affecte les prédateurs. On rappelle que toutes les chauves-souris qui vivent en Europe se nourrissent d'insectes. Exactement. Toutes les espèces sont insectivores et peuvent manger, pour ne citer qu'un exemple, hein, la pipistrelle commune mange entre 600 et 1000 moustiques par nuit. Donc vous imaginez effectivement le pouvoir de prédation de ces espèces. Donc il y a eu tout un tas de raisons qui ont affecté les espèces, et en particulier les plus spécialistes, comme les rhinolophes par exemple, ou d'autres espèces comme le grand murin ou le murin rayé chancré. Et dans les années 90, se sont multipliées des mesures de conservation qui ont permis la restauration de ces espèces. Mais aujourd'hui, on constate que d'autres espèces, malheureusement, se cassent la figure. Notamment les noctules, les pipistrelles. Nathalie vous demande, que pensez-vous des abris à chauves-souris à poser sur les façades ou dans les arbres? Alors, c'est des mesures qui sont de plus en plus utilisées et proposées, notamment effectivement en façade. Alors c'est plutôt une bonne idée parce qu'on propose des loges particulières qui peuvent servir de transit pour quelques individus qui iraient d'un gîte à un autre entre l'été et l'hiver. Les gîtes qu'on utilise dans les arbres, malheureusement, sont souvent utilisés pour compenser l'abattage d'arbres qui étaient propices à l'accueil des chauves-souris. Malheureusement, ça marche pas pour la simple et bonne raison que si occasionnellement on peut voir des individus, simplement les espèces qui étaient dans les arbres sont pas les mêmes que celles qu'on va retrouver dans les nichoirs. Annie nous a laissé cette question, peut-on faire un élevage de chauves-souris? Alors, malheureusement, non. Si ça existait, notamment les gens qui sont embêtés par les moustiques en profiteraient. La seule chose qu'on peut faire, c'est justement leur proposer des gîtes, dans nos maisons, leur proposer des espaces pour leur permettre de s'abriter, voire quand il y a des vieux arbres à proximité, eh ben, les maintenir plutôt que de les abattre dès qu'une branche commence à mourir. Jean-Paul, le changement climatique va-t-il influencer les populations de chauves-souris? On parlait de ces migrations, de ces phases d'hibernation. Est-ce que tout ça va être perturbé par le changement climatique? Alors notamment une espèce, la pipistrelle de Cul, qui est une espèce plutôt méditerranéenne et qui est en train de regagner maintenant les Hauts-de-France au profit et au bénéfice du changement climatique et du réchauffement global. Ce qu'on imagine aussi, c'est que certaines espèces migratrices ne migreront plus simplement parce que des insectes continueront à perdurer en période hivernale. Donc s'il y a des proies, les prédateurs pourront rester. Encore quelques questions d'auditeurs parce qu'elles sont vraiment très nombreuses. Alors je voudrais pouvoir vous en poser un maximum. Guillaume vous dit « J'ai entendu dire que l'on pouvait trouver des chauves-souris même au cœur de Paris. Où se cachent-elles dans la capitale ?» Alors ça a été une grande surprise. Notamment, on a été amené à travailler sur le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 10 espèces de chauves-souris. 11 pour être précis, et en particulier, du coup, on peut en retrouver certaines d'entre elles au cœur de la capitale, dans des habitations, mais aussi dans certains arbres de nos parcs urbains, notamment dans les buts de Chaumont, le parc Monceau, etc. Elles trouvent des loges en suffisamment grand nombre. Mais ça, c'est une nouveauté ou c'est un retour des chauves-souris ou elles ont toujours été là, ces chauves-souris parisiennes ? Alors c'est compliqué de répondre à cette question simplement parce que l'étude des chauves-souris sur Paris, elle est assez récente. Donc on ne sait pas quelle est la part de découverte nouvelle de choses qui existaient auparavant ou de reconquête de la biodiversité dans Paris. Ce qu'on sait, très probablement en tout cas, c'est qu'elles sont favorisées par le fait qu'on ait abandonné certaines pratiques dans Paris, notamment l'utilisation de pesticides pour la gestion des espaces verts dans la ville. Un petit tour en Corse avec Patrice. Avez-vous trouvé un nom sur la 23e espèce de chiroptère, donc ce sont les chauves-souris, les chiroptères, découverte en Corse ? Pas encore. Alors je sais. Mais c'est quoi alors, on a vraiment découvert une nouvelle espèce de chauve-souris encore ? La génétique a perturbé beaucoup les connaissances qu'on avait sur les chauves-souris. Et dernièrement, on a décrit une nouvelle espèce plutôt sur la partie sud de la France. Cette espèce-là, pourrait être présente aussi en Corse. Pendant longtemps, on a cru que c'était la même espèce qui vient d'être décrite, donc Myotis crypticus. Mais il semble que le morph et notamment les individus qui sont présents en Corse sont génétiquement un peu différents encore. Donc il y a tout un tas de questions de la part des généticiens sur que faire de cette espèce. Laurent Tillon, je vous présente notre invité de la deuxième heure. Il s'est assis à côté de vous. Il est musicien et compositeur de musique électronique. Tilassine, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, vous êtes allé chercher l'inspiration en voyageant, dans le Transsibérien, mais aussi en Argentine. Vous allez nous raconter vos voyages et puis comment vous travaillez sur le terrain. Mais avant, je voudrais avoir votre avis sur les sons qu'on a écoutés dans cette émission, des sons de chauves-souris transposés. Est-ce qu'ils pourraient vous inspirer une composition ? On en réécoute quelques-uns. C'est génial, c'est rythmique en plus. Bah oui, c'est ça. Alors, ça pourrait être l'objet d'une composition. Si vous voulez, on a des CD entiers. Moi, je récupère. Je suis preneur. Voilà. Alors, on va apprendre un peu plus en détail comment vous travaillez dans la suite de cette émission. Merci à vous, Laurent Tillon, de nous avoir emmené bivouaquer au milieu de ces chauves-souris. Je suis sûr qu'on en a moins peur après vous avoir entendu pendant. J'espère vivement. Pendant une heure. Et puis, on peut lire votre ouvrage. Et si on écoutait la nature aux éditions Payot et Tilassine, à tout de suite.